Mais le moment n'était pas venu de m'y livrer tout de bon. Il me restait encore une humeur un peu volage, un désir d'aller et venir, qui s'était plutôt borné qu'éteint, et que nourrissait le train de la maison de Madame de Varan, trop bruyant pour mon humeur solitaire. Ce tas d'inconnus qui lui affluait journellement de toutes parts, et la persuasion où j'étais que ces gens-là ne cherchaient qu'à la duper, chacun à sa manière, me faisaient un vrai tourment de mon habitation. Depuis qu'il a succédé à Claude Anet dans la confidence de sa maîtresse, je suivais de plus près l'état de ses affaires. J'y voyais un progrès en mal dont j'étais effrayé. J'avais 100 fois remontré, prié, pressé, conjuré, et toujours inutilement. Je m'étais jeté à ses pieds. Je lui avais représenté fortement la catastrophe qui la menaçait. Je l'avais vivement exhorté à réformer sa dépense, à commencer par moi, à souffrir plutôt un peu, tandis qu'elle était encore jeune, que, multipliant toujours ses dettes et ses créanciers, de s'exposer sur ses vieux jours à leur vexation et à la misère. Sensible à la sincérité de mon zèle, elle s'attendrissait avec moi et me promettait les plus belles choses du monde. Un croquant arrivait-il? À l'instant, tout était oublié. Après 1000 épreuves de l'inutilité de mes remontrances, que me restait-il à faire que de détourner les yeux du mal que je ne pouvais prévenir? Je m'éloignais de la maison dont je ne pouvais garder la porte. Je faisais de petits voyages à Nyon, à Genève, à Lyon, qui, m'étourdissant sur ma peine secrète, en augmentait en même temps le sujet par ma dépense. Je puis jurer que j'en aurais souffert tous les retranchements avec joie si maman eût vraiment profité de cette épargne. Mais, certain que ce que je me refusais passait à des fripons, j'abusais de sa facilité pour partager avec eux, et comme le chien qui revient de la boucherie, j'emportais mon lopin du morceau que je n'avais pu sauver.